Je suis. Par Sri Nisargadatta Maharaj. 15. Question. Sans la puissance de Dieu, rien ne pourrait être fait. Même vous, vous ne seriez pas là à nous parler. Tout est sans doute son œuvre, mais quelle importance pour moi, puisque je ne désire rien. Que peut me donner Dieu ou me retirer? Ce qui est mien est mien, et était mien même quand Dieu n'existait pas. Bien sûr, c'est une très petite chose, un atome, le sentiment du « je suis », le fait d'être. C'est ma place, personne ne me l'a donnée. La terre est mienne, ce qui croit sur elle est à Dieu. Dieu a-t-il pris de vous la terre à bail? Dieu m'est dévoué, et il a fait tout cela pour moi. N'y a-t-il pas de Dieu indépendamment de vous? Comment cela pourrait-il être? Je suis, est la racine. Dieu est l'arbre. Qui suis-je pour adorer et pourquoi? Êtes-vous le dévot ou l'objet de la dévotion? Ni l'un ni l'autre, je suis la dévotion même. Il n'y a pas assez de dévotion dans le monde. Vous cherchez toujours à améliorer le monde. Croyez-vous vraiment que le monde vous attend pour être sauvé? En fait, je ne connais pas toutes mes possibilités. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez me voir faire? Sans vous, y a-t-il un monde? Vous connaissez tout le monde, mais de vous, vous ne connaissez rien. C'est vous qui êtes l'outil de votre travail. Vous n'avez pas d'autres outils. Pourquoi ne commencez-vous pas par prendre soin de votre outil avant de vous mettre au travail? Moi, je peux attendre, mais le monde ne le peut pas. En ne cherchant pas, vous faites attendre le monde. Attendre quoi? Quelqu'un qui le sauvera. Dieu régit le monde, Dieu le sauvera. C'est vous qui le dites. Dieu est-il venu pour dire que le monde était sa création et son souci, et non les vôtres? Pourquoi devrait-il être ma seule préoccupation? Voyez-vous-même, qui d'autre que vous connaît le monde dans lequel vous vivez? Vous le connaissez, tous le connaissent. Quelqu'un est-il venu de l'extérieur de votre monde pour vous le dire? Moi et tous les autres, nous apparaissons et disparaissons dans votre monde. Nous sommes tous à votre merci. Ce ne peut pas être si grave. J'existe dans votre monde comme vous existez dans le mien. Vous n'avez aucune évidence de mon monde. Vous êtes complètement enveloppé dans un monde de votre fabrication. Je vois. Complètement jusqu'ici, mais est-ce sans espoir? Un homme apparaît dans la prison qu'est votre monde. Il vous dit que le monde de contradictions douloureuses que vous avez créé n'est ni contenu ni permanent, et qu'il est fondé sur un malentendu. Il vous supplie d'en sortir par ce même chemin par lequel vous y êtes entré. Vous y êtes entré en oubliant ce que vous êtes. Vous en sortirez par la connaissance de ce que vous êtes. En quoi cela affecte-t-il le monde? Quand vous serez complètement détaché du monde, vous pourrez faire quelque chose pour lui. Tant que vous en serez prisonnier, vous serez impuissant à le transformer, et au contraire, tout ce que vous pourrez faire ne fera qu'aggraver la situation. La vertu me libérera. Sans aucun doute, la vertu fera de vous et de votre monde un endroit confortable, heureux même. Mais quelle en sera l'utilité? Il n'y a pas de réalité en lui. Il ne peut pas durer. Dieu aidera. Pour vous aider, il faudrait que Dieu connaisse votre existence, mais vous et votre monde ne sont que des états de rêve. Dans un rêve, vous pouvez souffrir le martyre. Personne ne le sait et personne ne peut vous aider. Toutes mes recherches, mes questions et mes études ne sont donc d'aucune utilité? Ce ne sont que les mouvements d'un homme fatigué de dormir. Ce ne sont pas les causes de l'éveil, mais ses signes avant-coureurs. Mais vous ne devriez pas poser de questions oiseuses dont vous connaissez déjà les réponses. Comment puis-je obtenir une vraie réponse? En posant une vraie question, non pas avec des mots, mais en osant vivre selon vos lumières. Un homme prêt à mourir pour la vérité l'obtiendra. Une question. Il y a là la personne et celui qui connaît la personne. Il y a le témoin. Le connaissant et le témoin sont-ils un ou sont-ce des états séparés? Le connaissant et le témoin sont-ils un ou deux? Lorsqu'on voit le connaissant comme séparé du connu, le témoin est seul. Lorsqu'on voit le connu et le connaissant comme un, le témoin devient un avec eux. Quel Gnani? Le témoin ou le suprême? Le Gnani est le suprême et aussi le témoin. Il est à la fois être et conscience. Par rapport à la conscience, il est présence. Relativement à l'univers, il est être pur. Et l'individu? Qui vient en premier? La personne ou celui qui connaît? La personne n'est qu'une très petite chose. En réalité, elle est composite. On ne peut pas dire qu'elle existe en soi. Non perçue, elle n'est tout simplement pas là. Ce n'est que l'ombre du mental, la somme des souvenirs. L'être pur se réfléchit dans le miroir du mental en tant que connaissant. Ce qui est connu prend la forme d'une personne, fondée sur la mémoire et l'habitude. Ce n'est qu'une ombre ou une projection de celui qui connaît sur l'écran du mental. Le miroir est là, la réflexion est là, mais où est le soleil? Le soleil, c'est le suprême. Il doit être conscient. Il n'est ni conscient ni inconscient. Ne pensez pas à lui en termes de conscience ou d'inconscience. Il est la vie qui les contient tous deux et est au-delà. La vie est si intelligente, comment peut-elle être inconsciente? Vous parlez d'inconscient quand il y a un blanc dans la mémoire. En réalité, il n'y a que la conscience. Toute vie est consciente, toute conscience est en vie. Même les pierres? Même les pierres sont conscientes et vivantes. L'ennui chez moi, c'est que j'ai tendance à dénier l'existence à ce que je ne peux imaginer. Il serait plus sage de dénier l'existence à ce que vous imaginez. C'est ce qui est imaginé qui est irréel. Est-ce que tout ce qui est inimaginable est irréel? L'imagination fondée sur la mémoire est irréelle. Le futur n'est pas totalement irréel. Quelle partie du futur est réelle et laquelle est irréelle? L'inattendu et l'imprévisible sont réels. 16. Question. J'ai rencontré de nombreuses personnes réalisées, mais je n'ai jamais rencontré de personnes libérées. Avez-vous approché un homme libéré ou est-ce que la libération implique, entre autres choses, l'abandon du corps? Qu'entendez-vous par réalisation et par libération? Je veux dire une expérience merveilleuse de paix, de bonté et de beauté. Je sais ce dont je parle puisque j'ai eu de telles expériences. Quand le monde a un sens et que règne une unité de la substance et de l'essence. Bien qu'une telle expérience ne dure pas, il est impossible de l'oublier. Elle brille dans l'esprit comme un souvenir et comme un désir brûlant. C'est parce que vous les désirez que vous ne pouvez pas les retrouver. Le désir barre la route à toute expérience plus profonde. Rien de valable ne peut arriver à un esprit qui sait exactement ce qu'il veut. Car rien de ce que le mental peut imaginer ou désirer n'a beaucoup de valeur. Mais alors, qu'est-ce qui mérite d'être désiré? Désirer le meilleur, le plus grand bonheur, la plus grande liberté. L'absence de désir est la plus grande des joies. D'être libéré du désir n'est pas la liberté que je veux. Je veux la liberté de réaliser mes désirs. Vous êtes libre de réaliser vos désirs. En fait, vous ne faites rien d'autre. J'essaye, mais je me heurte à des obstacles qui me laissent frustré. Surmontez-les. Je ne peux pas. Je suis trop faible. Qu'est-ce qui vous rend affaibli? Qu'est-ce que la faiblesse? D'autres réalisent leurs désirs. Pourquoi pas vous? Je dois manquer d'énergie. Qu'est-il arrivé à votre énergie? Où est-elle passée? Ne l'avez-vous pas dispersée dans vos démarches et vos désirs si nombreux et contradictoires? Vos ressources ne sont pas infinies. Pourquoi pas? Vos buts sont petits et bas. Ils n'ont pas besoin de plus. Seule l'énergie de Dieu est infinie parce qu'il ne désire rien pour lui-même. Soyez comme lui et tous vos désirs se réaliseront. Plus hauts seront vos buts et plus vastes vos désirs, plus vous aurez d'énergie pour les réaliser. Désirez le bien de tous et l'univers travaillera avec vous. Mais si vous désirez votre propre plaisir, il vous faudra le gagner durement. Avant de désirer, méritez. Je me suis engagé dans des études sur la philosophie, la sociologie et l'éducation. Je pense avoir besoin d'un plus grand développement mental avant de pouvoir rêver de réalisation. Suis-je sur le bon chemin? Pour gagner sa vie, il faut quelques connaissances spécialisées. Sans doute les connaissances générales développent-elles l'esprit. Mais si vous devez passer votre vie à accumuler des connaissances, vous construirez un mur autour de vous. Il n'est pas nécessaire pour aller au-delà du mental de l'avoir bien rempli. Mais alors, qu'est-ce qui est nécessaire? Ne faites pas confiance à votre mental et allez au-delà. Que trouverai-je au-delà du mental? L'expérience directe d'être, de savoir et d'aimer. Et comment va-t-on au-delà du mental? Il y a plusieurs points de départ, tous conduisent au même but. Vous pouvez commencer par un travail désintéressé en abandonnant les fruits de votre action. Vous pouvez alors cesser de penser et finir en renonçant à tous les désirs. Dans ce cas, le renoncement est le facteur opérationnel. Vous pouvez également ne pas vous tracasser de ce que vous désirez ou pensez et simplement rester immobile dans la pensée et le sentiment « je suis ». Gardez fermement à l'esprit « je suis ». Toutes sortes d'expériences peuvent vous arriver. Restez fixé dans la connaissance que tout ce qui est perceptible est transitoire et que seul je suis dure. Je ne peux pas consacrer toute ma vie à de telles pratiques. Je dois aussi m'acquitter de mes obligations. Bien sûr, vous devez vous acquitter de vos obligations. Un acte dans lequel vous n'êtes pas émotionnellement engagé, qui est bénéfique et n'est pas cause de souffrance, ne vous liera pas. Vous pouvez être engagé dans plusieurs directions à des tâches variées, avec plein d'allants, et cependant rester intérieurement libre et tranquille, avec un mental semblable au miroir qui reflète tout, sans en être affecté. Un tel état est-il réalisable? Je n'en parlerai pas s'il ne l'était pas. Pourquoi vous engagerais-je à poursuivre des chimères? Tout le monde cite les Écritures. Ceux qui ne connaissent que les Écritures ne connaissent rien. Connaître cet être. Ce dont je vous parle, je ne le connais pas par la lecture ou par ouï-dire. Le soi réel est-il le témoin conscience? Il est la réflexion du réel dans l'intellect. Le réel est au-delà. Le témoin est la porte par laquelle vous passez au-delà. Quel est le but de la méditation? Voir le faux comme faux, c'est la méditation. Ceci doit être de tous les instants. On nous dit de méditer régulièrement. L'exercice délibéré et quotidien de la discrimination du vrai et du faux et de la renonciation au faux, c'est la méditation. Pour commencer, il y a bien des sortes de méditation, mais finalement, elles se fondent toutes en une. Dites-moi s'il vous plaît, quel est le plus court chemin vers la réalisation de soi? Il n'y a pas de voie courte ou longue, mais certaines personnes sont sérieuses, d'autres moins. Je peux vous parler de moi. J'étais un homme simple, mais je faisais confiance à mon gourou. Ce qu'il me disait de faire, je le faisais. Il m'a dit de me concentrer sur je suis, je l'ai fait. Il m'a dit que j'étais au-delà de tout ce qui est perceptible ou concevable, je l'ai cru. Je lui ai donné mon cœur et mon âme, toute mon attention et tout mon temps libre. En définitive, grâce à ma foi et au sérieux de mon application, je me suis réalisé en l'espace de 3 ans. Vous pouvez choisir n'importe quelle voie. Votre sérieux déterminera le rythme de votre progression. Pouvez-vous me donner un conseil? Tenez-vous fermement dans la présence du « je suis ». C'est le commencement et aussi la fin de toute entreprise. J'étudie le sanskrit avec un professeur, mais en réalité, je ne fais que lire les Écritures. Je suis à la recherche de la réalisation et je suis venu en quête de directives utiles. Ayez l'amabilité de me dire ce que je dois faire. Puisque vous avez lu les Écritures, pourquoi poser des questions? Les Écritures donnent des directives générales, mais l'individu a besoin d'instructions personnalisées. Votre soi est votre ultime maître. Votre maître extérieur n'est qu'un poteau indicateur. Il n'y a que le maître intérieur qui fera avec vous le chemin jusqu'au but, car il est le but. On n'atteint pas facilement le maître intérieur. Puisqu'il est en vous et avec vous, les difficultés ne devraient pas être sérieuses. Regardez vers l'intérieur et vous le trouverez. Quand je regarde vers l'intérieur, je trouve des sensations et des perceptions, des pensées et des sentiments, des désirs et des craintes, des souvenirs et des espérances. Je suis plongé dans ce nuage et je ne vois rien. Celui qui voit tout cela est aussi le rien. C'est le maître intérieur. Lui seul est. Tout le reste ne fait qu'apparaître. Il est votre soi, votre espérance et votre certitude de liberté. Trouvez-le, attachez-vous à lui et vous serez sauvé et en sécurité. Je vous crois, mais quand il s'agit de vraiment le trouver, ce soin intérieur m'échappe. Cette idée, il m'échappe, où se manifeste-t-elle? Dans le mental? Et qui connaît le mental? Le témoin du mental connaît le mental. Quelqu'un est-il venu vous dire « Je suis le témoin de votre mental » Bien sûr que non, il n'aurait été qu'une autre idée dans le mental. Alors, qui est le témoin? Moi? Vous connaissez donc le témoin, puisque vous l'êtes. Vous n'avez pas besoin de voir le témoin en face de vous. Ici encore, être, c'est connaître. Oui, je vois que je suis le témoin, cette présence même. Mais en quoi ceci m'est-il profitable? Quelle question! Quel genre de profit attendez-vous? N'est-ce pas suffisant de savoir ce que vous êtes? Quelle est l'utilité de la connaissance de soi? Elle vous aide à comprendre ce que vous n'êtes pas, et elle vous protège des idées fausses, des désirs et des actes. Si je ne suis que le témoin, qu'importe le bien et le mal? Ce qui vous aide à vous connaître est bien, ce qui vous en empêche est mal. Connaître son soi réel, c'est la joie. L'oublier, c'est le chagrin. 17. Question. Les plus hauts pouvoirs du mental sont la compréhension, l'intelligence et l'intuition. L'homme a trois corps, le physique, le mental et le causal. Le corps physique reflète son être, le mental son savoir et le causal sa créativité joyeuse. Bien entendu, tous sont des formes de la conscience, mais ils apparaissent comme séparés avec leurs qualités propres. L'intelligence est la réflexion dans le mental du pouvoir de connaître. C'est ce qui rend le mental apte à la connaissance. Plus l'intelligence sera brillante, plus la connaissance sera large, profonde, vraie. Connaître les choses, connaître les gens, se connaître soi-même, sont toutes des fonctions de l'intelligence. La dernière est la plus importante et contient les deux premières. Une conception erronée de soi-même et du monde conduit aux idées fausses et aux désirs qui, à leur tour, mènent à l'esclavage. La compréhension juste de soi-même est nécessaire pour se libérer des liens de l'illusion. En théorie, je comprends tout ça, mais quand j'en viens à la pratique, j'y joue sans recours dans mes réponses aux situations et aux gens, et mes réactions inadéquates ne font qu'ajouter à mes attachements. La vie est trop rapide pour mon esprit lourd et lent. Je comprends, mais trop tard, quand j'ai déjà refait les mêmes vieilles fautes. Quel est donc votre problème? Je voudrais avoir une réaction à la vie qui soit non seulement intelligente, mais aussi très rapide. Elle ne peut pas être rapide si elle n'est pas parfaitement spontanée. Comment puis-je parvenir à une telle spontanéité? Le miroir ne peut rien faire pour attirer le soleil. Il ne peut que rester brillant. Dès que le mental est prêt, le soleil brille en lui. Est-ce la lumière du soi ou du mental? Des deux. En elle-même, elle est sans cause et invariable, mais elle est colorée par les mouvements et les changements du mental. Cela ressemble beaucoup au cinéma. La lumière n'est pas dans le film, mais le film colore la lumière et l'interceptant la fait paraître mouvante. Êtes-vous maintenant dans l'état parfait? La perfection est l'état d'un mental pur. Je suis au-delà du mental, quel que soit son état élevé ou bas. Ma nature, c'est la présence. Fondamentalement, je transcende l'être et le non-être. La méditation m'aidera-t-elle à atteindre votre état? La méditation vous aidera à connaître vos liens, à les relâcher, à les délier et à rejeter vos amarres. Quand vous ne serez plus attaché, vous aurez fait votre part. Le reste sera fait pour vous. Par qui? Par cette même puissance que vous avez amenée jusqu'ici, qui a mis dans votre cœur le désir de la vérité et qui a incité votre mental à la chercher. C'est cette même puissance qui vous garde en vie. Vous pouvez l'appeler la vie ou le suprême. Cette puissance me tuera le temps venu. N'étiez-vous pas présent à votre naissance? Ne serez-vous pas présent à votre mort? Trouvez celui qui est toujours présent et vous aurez résolu votre problème de réponse spontanée et parfaite. La réalisation de l'éternel est du sans effort d'une part, la réponse adéquate à l'événement transitoire et perpétuellement changeant d'autre part, sont deux questions différentes et séparées. Vous paraissez les confondre en une seule. Pourquoi le faites-vous? Réaliser l'éternel, c'est devenir l'éternel, le tout, l'univers avec tout ce qu'il contient. Chaque événement est le résultat et l'expression de tout, et il est en harmonie fondamentale avec le tout. Toute réponse provenant du tout doit être juste, sans effort et instantanée. Il ne peut pas en être autrement si elle est juste. Une réponse tardive est une mauvaise réponse. Pensée, sentiment et action doivent devenir un et simultanés avec la situation qui les appelle. Comment cela se produit-il? Je vous l'ai déjà dit. Trouvez celui qui était présent à votre naissance et qui sera le témoin de votre mort. Mon père et ma mère? Oui, votre père-mère, la source d'où vous venez. Pour résoudre un problème, vous devez remonter à sa source. Sa solution juste ne peut être trouvée que par la dissolution du problème dans le solvant universel de l'examen et du détachement. 18. Question. Votre façon de décrire l'univers comme étant composé de matière, de pensée et d'esprit en est une parmi de nombreux autres. Il y a d'autres modèles auxquels l'univers est supposé se conformer et on s'y perd pour savoir quel modèle est vrai et lequel ne l'est pas. On finit par soupçonner que tous les modèles ne sont que purement formels et qu'aucun d'entre eux ne peut contenir la réalité. Selon vous, la réalité serait constituée de trois sphères, la sphère de la matière-énergie, la sphère de la conscience et la sphère du pur esprit. La première contient ce qui possède à la fois mouvement et inertie, ce que nous percevons. Nous savons aussi que nous percevons. Nous sommes conscients et également conscients d'être conscients. Nous avons ainsi deux sphères, matière et énergie et conscience. La matière semble être dans l'espace alors que l'énergie est toujours dans le temps. Elle est liée au changement et se mesure au rythme du changement. La conscience semble être en quelque sorte ici et maintenant, en un point unique du temps et de l'espace. Mais il semble que vous insinuiez que la conscience aussi est universelle, ce qui la rend intemporelle, non spatiale et impersonnelle. Je peux arriver à comprendre qu'il n'y a là aucune contradiction entre l'intemporel non spatial et l'ici et maintenant, mais je n'arrive pas à saisir cette conscience impersonnelle. Pour moi, la conscience est toujours focalisée, centrée, individualisée, une personne. Vous semblez dire qu'il peut y avoir perception sans sujet qui perçoit, connaissance sans sujet qui connaisse, amour sans amant, action sans acteur. À mon avis, la trinité connaissance connaissant connu peut être perçue dans tous les mouvements de la vie. La conscience implique un être conscient, un objet de la conscience et le fait d'être conscient. Ce qui est conscient, je l'appelle une personne. Une personne vit dans un monde, elle en fait partie. Elle agit sur lui et il agit sur elle. Pourquoi ne demandez-vous pas jusqu'à quel point les personnes et le monde sont réels? Non, je n'ai pas besoin de le demander. Il me suffit que la personne ne soit pas moins réelle que le monde dans lequel elle existe. Quelle est la question alors? Les personnes sont-elles réelles et l'universel conceptuel? Ou l'universel est-il réel et les personnes imaginaires? Rien de tout cela n'est réel. Je suis sûrement assez réel pour mériter votre réponse, et je suis une personne. Pas quand vous dormez. La submersion n'est pas l'absence. Même endormi, je suis. Pour être une personne, vous devez être conscient. L'êtes-vous toujours? Évidemment non. Pas quand je dors, que je suis évanoui et drogué. Pendant les heures de veille, êtes-vous toujours conscient? Non, il m'arrive d'être distrait ou simplement absorbé. Pendant ces blancs dans votre conscience, êtes-vous une personne? Bien sûr, je suis la même personne. Je me souviens de moi tel que j'étais hier ou l'année dernière. Je suis avec certitude la même personne. Vous avez donc, pour être une personne, besoin de la mémoire. Bien sûr. Et sans mémoire, qu'êtes-vous? Une mémoire incomplète entraîne une personnalité incomplète. Sans mémoire, je ne peux pas exister en tant que personne. Il est cependant certain que vous pouvez exister sans mémoire. Vous le faites dans le sommeil. Seulement dans le sens de rester vivant, pas en tant que personne. Puisque vous admettez qu'en tant que personne, vous n'avez qu'une existence intermittente, pouvez-vous me dire ce que vous êtes dans les intervalles qui séparent les moments où vous vous percevez comme personne? Je suis, mais pas en tant que personne. Puisque dans ces intervalles, je ne suis pas conscient de moi, je peux seulement dire que j'existe, mais non comme personne. Pourrions-nous appeler cela une existence impersonnelle? Je l'appellerais plutôt une existence inconsciente. Je suis, mais je ne sais pas qui je suis. Vous venez de dire « je suis, mais je ne sais pas qui je suis ». Auriez-vous la possibilité de le dire quand vous êtes inconscient? Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez employer que le passé. Je n'ai pas su, j'étais inconscient, dans le sens de ne pas se souvenir. Ayant été inconscient, comment pourrais-je me souvenir et de quoi? Étiez-vous réellement inconscient, ou bien tout simplement n'avez-vous pas de souvenir? Comment savoir? Réfléchissez. Vous souvenez-vous de chaque seconde d'hier? Certainement pas. Vous étiez donc inconscient? Bien sûr que non. Vous êtes donc conscient et cependant vous ne vous souvenez pas. Oui. Peut-être étiez-vous conscient et vous ne vous en rappelez pas. Non, je n'étais pas conscient, je dormais. Je ne me comportais pas en personne consciente. Là encore, comment le savez-vous? Ceux qui m'ont vu endormi me l'ont dit. Tout ce dont ils peuvent témoigner, c'est de vous avoir vu reposer calmement, les yeux fermés et respirer régulièrement. Ils ne pouvaient pas se rendre compte si vous étiez conscient ou non. Votre seule preuve, c'est votre mémoire. Pas très solide comme preuve. Oui, j'admets que selon mes propres mots, je ne suis une personne que pendant mes heures de veille. Ce que je deviens entre, je ne le sais pas finalement. Vous savez au moins que vous ne savez pas. Puisque vous prétendez ne pas être conscient pendant les intervalles qui séparent vos heures de veille, ne nous en occupons pas et considérons uniquement les heures de veille. Je suis la même personne dans mes rêves. D'accord. Voyons les deux états, veille et rêve ensemble. La différence n'est que dans la continuité. Si vos rêves présentaient une continuité logique, ramenant nuit après nuit le même environnement et les mêmes gens, vous seriez incapable de savoir quel est l'état de rêve et quel est celui de veille. Par conséquent, quand nous parlerons de l'état de veille, nous y inclurons l'état de rêve. Soit, je suis une personne en relation consciente avec un monde. Pour que vous soyez une personne, la relation consciente au monde et le monde sont-ils essentiels? Même emmuré dans une caverne, je resterai une personne. Cela implique un corps et une caverne, et un monde où les deux puissent exister. Je vois. Le monde et la conscience du monde sont donc essentiels à mon existence en tant que personne. Ceci fait de la personne une partie et un fragment du monde, ou vice-versa. Les deux ne sont qu'un. La conscience est seule. La personne et le monde apparaissent dans la conscience. Vous dites « apparaissent ». Pourriez-vous ajouter « disparaissent » ? Non, je ne le peux pas. Je ne peux être conscient que de l'apparition du moi et du monde. En tant que personne, je ne peux pas dire « le monde n'est pas ». Sans monde, je ne serais pas là pour le dire. Parce qu'il y a un monde, je suis là pour dire « il y a un monde ». C'est peut-être l'inverse. Il y a un monde parce que vous êtes là. Cette déclaration me semble ne pas avoir de sens. Cette absence de signification peut disparaître à l'examen. Bon, par où commençons-nous? Tout ce que je sais, c'est que rien de ce qui est conditionné n'est réel. Le réel est totalement indépendant, puisque l'existence de la personne est conditionnée par celle du monde et qu'elle est circonscrite dans le monde et définie par lui. La personne ne peut pas être réelle. Mais elle ne peut pas être un rêve. Même un rêve a une existence quand il est perçu, quand on y prend plaisir ou qu'on le subit. Tout ce que vous pensez ou sentez a une existence. Mais ce peut ne pas être ce que vous croyez. Ce que vous pensez être une personne peut être quelque chose de tout à fait différent. Je suis ce que je sais être moi-même. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes ce que vous pensez être. Vos idées à votre sujet changent de jour en jour, d'instant en instant. Votre image de vous-même est la chose la plus changeante que vous ayez. Elle est éminemment vulnérable à la merci du premier passant. Un deuil, la perte d'une situation, une insulte, et cette image de vous que vous appelez votre personne change profondément. Pour savoir ce que vous êtes, vous devez d'abord rechercher et connaître ce que vous n'êtes pas. Et pour savoir ce que vous n'êtes pas, vous devez vous observer soigneusement. Vous devez rejeter tout ce qui n'est pas en accord avec le fait fondamental « je suis ». Ces idées « je suis né à telle heure, à tel endroit, de mes parents, et maintenant je suis celui-ci ou celui-là, vivant à, marié à, père de, employé par » n'appartiennent pas à « je suis ». Notre attitude habituelle est « je suis ceci ». Séparer avec esprit de suite et persévérance le « je suis » de ceci et essayer de sentir ce que signifie être, simplement être, sans être ceci ou cela. Toutes nos habitudes vont contre cela, et parfois les combattre est long et difficile. Mais une compréhension claire aide beaucoup. Plus vous comprendrez qu'au plan du mental, vous ne pouvez être décrit qu'en termes négatifs, plus rapidement vous parviendrez au terme de votre recherche, et vous réaliserez votre être illimité.